Courage, fuyons. Le 2 novembre, maman appelle Faustine. Un désastre écologique a eu lieu à Bâle. Elle ne connaît pas encore tous les détails, mais une usine de la zone industrielle de Schweizerhalle a pris feu et le Rhin est pollué sur des centaines de kilomètres. La France, l'Allemagne et les Pays-Bas sont touchés. Faustine téléphone aussitôt à son père, à Bâle. Oui, ils ont été réveillés à 4 heures du matin par les sirènes et les voitures munies de haut-parleurs, enjoignant à la population de garder portes et fenêtres fermées et de rester chez eux. Oui, ils pouvaient apercevoir les flammes depuis leur balcon. Elles s'élevaient jusqu'à 60 mètres de hauteur. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de mort, mais sûrement qu'il y aura des malades. On se rappellera quand on en saura plus. Fin novembre, Maxime donne un concert sur une péniche. C'est une expérience nouvelle. Désagréable au final, car l'embarcation est amarrée à quai, en bordure du 16e arrondissement. La faune invitée fait partie de cette élite arrogante, insupportable et inutile, fils et fille de, dont le seul intérêt dans la vie est la satisfaction d'un plaisir nombriliste. Faustine expérimente un nouveau grand moment de solitude, sentant très bien qu'elle n'a pas plus sa place ici qu'autrefois chez les B. Tout le contraire donc des gentils touristes pépères venus applaudir Maxime à la Louisiane, rue du Faubourg-Montmartre. Comme promis, Claire, la réceptionniste de l'hôpital Necker, passe les voir un soir. Elle est si contente de les revoir qu'elle invite Faustine chez elle la semaine suivante pour une petite sauterie entre amis. Faustine propose de leur concocter son célèbre spaghetti à la bolognaise. Claire, en retour, initie sa nouvelle amie au répertoire complet de Marie-Paul Bell. C'est une jolie découverte pour Faustine, qui ne la connaissait pas très bien. En décembre, tout de suite après la seconde insémination, Faustine et Maxime s'envolent pour la Martinique. Maxime y est engagé par Pierre Caligaris, un ami de très longue date. Le contrat couvre 15 jours du 17 au 31. Son salaire, mais le voyage Paris-Fort-de-France et l'hébergement en pension complète sont payés pour toute la famille. Quel cadeau! Cerise sur le gâteau, la femme de Pierre étant hôtesse de l'air, elle obtient de ses collègues que les membres de l'orchestre et leur famille puissent prendre leurs aises à l'étage supérieur du Boeing 747 qui se trouve justement être vide. Pour Faustine, c'est magique. Elle n'est jamais montée dans un avion aussi grand, a fortiori au premier étage. Le fait de pouvoir s'étaler de tout son long sur plusieurs sièges est synonyme de grand luxe, une expérience unique dans sa vie de voyageuse. Dès leur descente d'avion, la vague chaude et humide qui l'assaille rappelle à Faustine son séjour à Singapour. Elle se sent immédiatement dans son élément. L'équipe embarque dans un bus brinque-ballant qui doit les conduire au Novotel Diamant. C'est le moment le plus pénible du trajet. Ils ont atterri à 1 heure du matin après 18 heures de voyage. Très fatigués et la route, dépourvue d'éclairage public, est terriblement chaotique. Quand ils arrivent enfin, il faut encore attendre la distribution des chambres. Une partie de l'orchestre est logée dans l'hôtel même. Maxime et Faustine sont installés dans un studio attenant, avec vue sur la mer, habituellement destiné aux employés. Mais où diable les ont-ils casés? Le matelas est sommaire, mais Faustine, comme toujours, s'adapte. D'autant mieux qu'il y a de quoi étendre les maillots de bain, chauffer un peu d'eau pour le café du matin, et surtout, la chambre étant semi-enterrée, il n'y fait pas aussi chaud qu'ailleurs. En retrait des chemins de passage, ils jouissent d'une paix royale. Malgré un nouveau constat d'échec de la dernière insémination, au tout début du séjour, Faustine est bien décidée à profiter de ses vacances de rêve. Les membres de l'orchestre jouent entre 18 et 19 heures pour l'apéritif, tantôt sur la terrasse au bord de la piscine, tantôt dans le patio intérieur. Ensuite, tout le monde passe à table et ils rejouent de 21 à 23 heures environ, selon la demande. 2 semaines de vacances pour 3 heures de musique quotidienne, Faustine a l'impression d'avoir gagné au loto. En Martinique, il pleut 10 minutes par jour, d'où la végétation luxuriante tout autour de l'hôtel. Les pelouses s'étendent jusqu'à la plage, agrémentées de massifs d'hibiscus et de frangipaniers. Des balcons, tombent des cascades de bougainvilliers. Si le soleil se lève entre 5 et 6 heures, Faustine constate très vite qu'il se couche tôt, entre 17h30 et 18h30, d'un coup, ou presque. Les longues soirées crépusculaires n'existent pas au-dessous de la ligne d'équateur. C'est dommage, parce qu'il fait si bon qu'on passerait bien toute la nuit dehors. Ce n'est pas du tout pareil à la lumière des photophores, en compagnie des moustiques voraces. Comme toujours, Maxime entend profiter au mieux de son temps libre. Il entraîne sa femme, ravie, à la découverte de toutes les merveilles de l'île. Ils visiteront, en compagnie d'amis musiciens, une plantation de canne à sucre et une autre de bananes. Le Tiponche, par contre, ce mélange de rhum blanc, de sirop de canne à sucre et de citron vert est omniprésent. Sur les tables des bistrots, en bord de plage, il y a carrément une bouteille de chaque, rhum et sirop, libre au client de se servir à volonté. Faustine n'en croit pas ses yeux. Malheureusement, Maxime, plus rapide qu'elle, déplace les bouteilles sur les tables voisines avant qu'elle mette la main dessus, ou le ventre dessous. Grrr ! Un jour, avec un ami, ils partent en excursion à la montagne Pelée, le célèbre volcan entré en éruption en mai 1902 qui a détruit la ville de Saint-Pierre à 3 personnes près. Leur projet est de grimper au sommet, mais la voiture louée s'avère être un veau de première catégorie. Même en première, elle tousse. Arrivé à mi-chemin, Maxime se voit obligé de redescendre en marche arrière. À un endroit particulièrement escarpé, il se retrouve face à une camionnette avec impossibilité de croiser. Maxime se risque dans une manœuvre audacieuse qui manque de les envoyer dans le fossé, mais libère le passage. En remerciement, les occupants de l'autre voiture tendent à Faustine un chapelet de boudin créole. Dans un premier temps, elle pose l'offrande sur la plage arrière. Puis, mise en appétit par ses odeurs indécentes, elle cède rapidement à l'envie de dévorer une, deux, trois saucisses. Impossible de s'arrêter. De sa vie, elle n'oubliera ce parfum, ces épices, l'incroyable exotisme gustatif de ce don généreux. L'équipe se partage les restes sur le parking du musée avant de se laisser envahir par la charge émotionnelle du drame d'antan. Le retour se fait dans la joie et la bonne humeur, avec des arrêts tiponches fort appréciés. Un autre jour, ils visiteront le musée de la Pagerie, où est née Joséphine de Beauharnais, future femme de Napoléon Ier. Un après-midi, Maxime décide de louer des planches à voile et de s'exercer dans le lagon situé derrière l'hôtel. Nostalgique de ses expériences en voilier, Faustine tente de l'imiter, mais elle ne tient pas 2 secondes sur cette planche glissante dont la voile s'obstine avec un malin plaisir à toujours retomber du côté opposé. Vexée et furieuse, Faustine déserte, à charge pour le personnel de récupérer le matériel, et va s'asseoir sur le sable. De là, sans dissimuler ses fous rires, elle comptabilise les chutes de son chéri et ses vaines tentatives de rester sur sa planche pendant plus de 30 secondes. Une petite troupe se forme derrière elle qui rit de concert, tout en prodiguant moult conseils irréalistes. Le lendemain, ils iront tous se baigner sur la plus belle plage de l'île, face au rocher du diamant. Difficile d'imaginer que plus d'une centaine de soldats anglais sont restés perchés sur ce tout petit rocher de 175 mètres de hauteur, de janvier 1804 à juin 1805, qu'ils y ont hissé des canons dans le seul but de harceler les Français et de bloquer les échanges avec l'île voisine de Sainte-Lucie. Le rocher représente l'un des meilleurs sites de plongée de la Martinique. Maxime invite sa chérie à un après-midi subaquatique. L'expérience est absolument fabuleuse pour la jeune femme, même si son plaisir est pondéré par la crainte de perdre ses lentilles de contact. Il n'en sera rien, et cette petite heure, au milieu de la faune sous-marine, lui donnera envie de recommencer dès que possible. Baignade quotidienne, visite du marché aux épices et des ruelles de Fort-de-France, les distractions ne manquent pas tout au long du séjour. Il visite également le jardin botanique de Balata et ses 3000 espèces de plantes et de fleurs. admire un fromager, arbre mythique, sur la route de Grand Rivière, et déguste un plateau de fruits de mer dans un petit village de pêcheurs à l'extrême nord de l'île. Faustine se dit que lorsque Maxime sera mort, elle viendra s'installer comme bibliothécaire à Grande Rivière. Mais bien sûr, elle garde ça pour elle. L'autre solution serait de devenir gardienne de villa. Sur les panneaux d'affichage de la NPE, Agence Nationale pour l'Emploi, les petites annonces fleurissent qui recherchent des gardiens à l'année pour de belles maisons de maître avec piscine et dépendance. Pourquoi pas? Pendant le réveillon, l'orchestre fait relâche car la direction de l'hôtel a engagé un groupe folklorique pour animer la soirée. Les chants et les danses sont d'une fraîcheur et d'une gaieté aussi chaleureuses qu'émouvantes. Faustine tombe sous le charme et se promet de revenir dès qu'elle le pourra. 1986 est mort, vive 1987! Vers la mi-janvier, Faustine reçoit sa troisième insémination. On entre désormais dans la routine. Elle essaye d'y croire très fort, de ne plus avoir d'attente ni d'impatience. Elle s'en remet à la science et à Dieu. La petite graine d'espérance pousse malgré elle chaque mois. Et pourtant une petite voix lui susurre à l'oreille que peut-être elle n'est pas prête. Peut-être ce n'est pas le bon choix, peut-être c'est elle-même qui sabote le truc parce que dans le fond, elle ne veut pas de cet enfant avec Maxime. Marie-Paul Bell chante « J'ai pas trouvé le père » et ça l'interpelle. Alors pour éviter d'écouter les petites voix raisonnables, Faustine se jette à corps perdu dans le travail et accepte toutes les missions qu'on lui propose, à commencer par celle chez Microsoft aux Ulysses, du 6 au 25 janvier. Elle est supposée préparer une tournée promotionnelle pour les nouveaux logiciels dans le nord de la France, organiser les déplacements en avion de ville en ville, réserver les chambres d'hôtel, agender les réunions, informer les participants, préparer les ordres du jour. Alors qu'elle passe d'un bâtiment à l'autre, elle constate un attroupement dans la grande salle de réunion. Bill Gates, en personne, est venu encourager ses troupes. Difficile de croire que ce grand gamin dégingandé deviendra l'un des prédateurs les plus puissants du monde. Pour l'heure, Faustine le considère juste comme un gosse malin, ayant su jouer avec un ordinateur. Elle passe son chemin, elle a du travail et pas de temps à perdre.